À compter de ce soir, il ne restera que 4 éditions de réanimation avant la fin de 2013. Ce qui suppose qu'il ne vous reste qu'un total de 12 heures à entendre cette émission de mauvais goût. Mais plus encore, et le plus important, il ne vous reste que 4 mardis à subir les incohérences, mensonges, stupidités, énoncés incompréhensibles, jugements erronés, mauvais goût, erreurs et délires de sinistrose. Mais encore... Vous n'avez jamais subi son odeur pestilentielle. Donc, en fin de compte, ce n'est pas si pire que ça. Pour vous. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout parce que, en 2014, réanimation passera à la technologie Odorama. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated because Pendragon said so. Go! Je vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, dernière du mois des morts, 26 novembre de l'an de Disgrâce 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon et mon co-animateur, serviteur, homme à tout faire, esclave de service et, faut-il le dire, assistant Sinistros. Bien le bonsoir. Comment allez-vous? Ben, mis à part que la merde blanche s'en vient et que mon enfer débute, ça va quand même pas si pire. Ben, j'ai une petite rectification, elle est déjà arrivée. Oui. En date d'hier soir, n'est-ce oui. pas? Bon, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai eu un avant-goût en allant plus dans le nord cette fin de semaine. J'ai mis mes quatre pneus d'été dans un bain de neige. Et ce qui se répète encore ce soir, d'ailleurs. Ce qui se répète encore ce soir parce que j'ai rendez-vous pour mes pneus d'hiver seulement demain midi. C'est ce qui s'appelle avoir prévu le coup. Ben oui, parce que d'habitude, je prévois toujours le coup, mais... L'escogriffe qui est censé changer mes pneus a décidé autrement qu'il n'y avait pas de rendez-vous avant deux semaines. Fait que là, c'est deux semaines, c'est demain. Mais t'es-tu posé la question, Sinistros, à savoir si la personne sur qui tu comptais pour changer tes pneus, c'était pas intentionné le fait qu'il te mette ton rendez-vous dans deux semaines? Peut-être. Ouais. Songez-y. On vient d'entendre des formations suivantes. Oui. Et puis comment vous avez trouvé ça? Et plusieurs autres. Oui, effectivement. En ouverture de bloc, formation à l'instant Exodus, la pièce Metal Command, c'est ma préférée de l'album, qui s'appelle Bonded by Blood. Et c'est un aussi classique. Le premier. Un classique. Oui, c'est un classique pur et simple, c'est paru en 85. Devant Exciter, formation canadienne. Ben oui, en fait, à l'époque, ils étaient purement canadiens. Maintenant, je ne sais pas. Là. Ben oui, ils sont encore purement canadiens. Ouais, ben c'est parce qu'il n'y a pas de membres des États-Unis, rien. Non, je ne penserais pas. OK. Et la pièce Violence and Force, pièce de l'album du même nom, qui est paru en 84 sur Megaforce. Oz et la pièce Searchlight, pièce d'ouverture de ce très bon album Fire in the Brain, avec lequel j'ai renoué il y a quelques semaines, qui est paru en 83 sur Combat. Et nous avions ouvert avec Metal Church et la pièce Method to Your Madness, qu'on retrouve sur l'album The Dark, qui est paru en 86 sur Elektra. Tais-toi donc, toi, en arrière, espèce de... C'est notre orchestre de morts-vivants hein, qui pratique et puis qui n'ont pas compris encore qu'il y avait un bouton volume sur l'amplificateur. Parce qu'ils n'ont plus de chef. Ils n'ont plus de quoi? Ils n'ont plus de chef. Ben oui, il y en a un, mais il est en morceaux. Oui, c'est ça. Il a perdu sa baguette. Oui, c'est ça. Ce soir, nous avons une mission encore fort chargée parce que ça nous tentait. Oui. C'est ça. J'ai quelques chroniques pour vous. Pas beaucoup musicales. D'ailleurs, on va la faire à l'instant dans quelques minutes en passant par la présentation de Sinistros. J'ai quelques trucs au niveau du cinéma, mais j'aurai possiblement, j'ose espérer avoir le temps, vais-je le dire. Il te manquait une syllabe, là. Ouais, puis il manque plein d'affaires. Moi aussi, il manque des bouts. De pouvoir me rattraper quelque peu sur la présentation qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine dernière, soit celle de Witchburner. J'ai aussi une demande spéciale que je devrais passer un peu plus tard dans l'émission, qui me vient de... Ben... C'est Hellborg! Oh. Mais c'est parce que c'est un événement spécial. C'est le 29, ce vendredi, au Faux-Fonds électrique. C'est une espèce de... de réunion, si on veut, de la formation Foreshadow. Oui, avec en vedette Pat Loisel de Augury. Exactement, et qui font un spectacle avec les Glunatics. Oh. Donc, Pat Loisel demandait à Hellborg, à Tower, s'il y avait moyen qu'on lui fasse une petite promo comme ça. Bien sûr. Et puis, ça faisait plaisir à Hellborg aussi. Je dis, absolument. Donc, on va passer du Judas Priest. Non, on va passer Foreshadow tout à l'heure. Et ça m'amène à ta présentation, c'est la seule? Oui, c'est la seule. C'est la seule de la soirée. Mais qui est aussi une présentation fort importante. Ben, pour 2013, effectivement, nouvel album de la formation anglaise Hell. Oui. Qui s'intitule The Curse and Chapter. Album sur lequel on avait énormément d'attentes, étant donné que l'album précédent, qui est finalement sorti... 30 quelques années plus tard, était un immense chef-d'œuvre musical. Eh bien, qu'en est-il de Curse and Chapter? Ben, c'est la suite logique. Oui. C'est carrément un autre chef-d'œuvre musical de la part de Hell. C'est vraiment bon. Oui, mais moi, ce que j'ai bien aimé de celui-là, c'est qu'ils ont vraiment embarqué dans le trip théâtral, là, opéra, métal, si vous aimez mieux, comédie musicale en même temps. Comédie musicale comme Cats? Ben, comme Cats, oui, c'est ça. OK, oui, Jesus Christ Superstar, mais version Evil. OK. Belzebuth Superstar. Oui, c'est ça, Belzebuth Superstar. Oui, c'est très bon, ça, exactement. Ils se permettent quelques petits clins d'œil des années 70, ici et là, dont un clin d'œil à une comédie musicale qui a été très, très connue dans les années 70, qui c'est Air. Oui. Avec la première pièce de Hell, qui s'intitule The Age of Nefarious, ils font un genre de petit clin d'œil à The Age of Aquarius. Ils font dans la pièce. C'est beau petit clin d'œil. Cool, oui, là, c'est tout à fait. Effectivement. Fait qu'on va entendre trois pièces. Attends, une minute. Là. Okay, peux-tu en parler? D'abord, c'est correct. Ben, moi, j'ai trouvé ça pourri. Pourri, pourri. C'est vraiment l'album le plus mauvais que j'ai entendu depuis au moins 30 ans. Et c'est faux. C'est faux. Non, honnêtement, je dois dire que je l'attendais moi aussi avec impatience, mais aussi, je te dirais, une certaine crainte, étant donné que le premier album... Ben, un peu comme ça a fait avec Ghost, là, dans le fond. Oui, ça, c'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Ouais. Le premier album était vraiment surprenant, oui, de qualité, et en même temps, je me disais, tout à fait d'actualité, malgré le fait qu'on avait quand même des compositions qui dataient d'un certain temps, le remanié, on s'entend aussi, mais bon, je me suis dit, est-ce qu'ils vont encore être à la hauteur de cette barre qu'ils se sont fixés eux-mêmes? Ils ont poussé la barre plus haut, je crois, parce qu'il y a certains éléments de musique classique là-dedans, les jeux de guitare avec le clavier, pis tout, c'est encore plus intelligent, puis plus... Ben, c'est plus fin. C'est plus fin, c'est plus fignolé. C'est ça. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que la barre est poussée plus haute, parce que je me rappelle pertinemment que le premier album de Hell, je lui avais donné un 8 sur 10, oui, et celui-ci, Curse and Chapter, je lui ai donné un 8.5. Hey. Donc, la barre remonte. Tout à fait. Mais tu sais, en partant, que je ne suis pas un fan invétéré de heavy metal. Oh, ouais. Tu sais, je suis plus porté vers les choses un peu plus grasses, quoique je renoue tranquillement pas vite avec ça, mais j'ai trouvé que cet album-là était vraiment excessivement bien fait. Ils ont une bonne étiquette aussi, donc ils vont être très bien distribués. Oui. Et ils ont aussi une belle édition vinyle. Qui est malheureusement... Ou qui est très cher, effectivement. C'est ça. Bon. Donc, cet album-là qui est paru, c'était le 22. C'est le 22 vendredi. Le 22 vendredi dernier. Est disponible depuis ce temps. Et je vous incite fortement à vous le procurer, vous, amateurs de métal. Parce que, si vous ne le faites pas, vous allez demeurer totalement inculte. Mais c'est cela. Donc, tu nous proposes trois pièces. Oui. Qui sont? Ben, j'ai sauté l'intro. Alors, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet, donc The Age of Nefarious, The Disposer Supreme et Dark Angel, qui sont trois pièces, à part Age of Nefarious, qui est assez courte. Les deux autres, c'est des pièces très longues. Et vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a la pièce Dark Angel Live. Puis là, ça montre toute l'ampleur de la patente. Le chanteur, il a des cornes sur la tête, il est monté sur des échasses, puis c'est vraiment théâtral, c'est vraiment cool. Ce qui est bien dans ce band-là, il ramène tout l'aspect théâtral qui manque souvent. Mais dans le fond, c'est le côté, comme on dit, comédie musicale, là, dans le fond, heavy, là, si vous aimez mieux. Alors allons-y tout de suite, Hell avec The Age of Nefarious, tiré de Curse and Chapter. Go! Soldiers out. Please witness this evil extreme. The last Antichrist, the Disposer Supreme. Blood bar was sworn. I curse and die. Comes the sound of a flute in dim groves that haunt the uttermost hills. Even from the brave river they reach to the edge of the wilderness. Take it! Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. 56, vous êtes écoute de réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, et ici, on divague. Eh oui! On est dans un trip de shawarma, là. Non, on ne peut malheureusement pas le commenter plus que ça. Accepte avec la pièce The Abyss, qui est tirée de l'album Blood of the Nation, qui est paru en 2010. Quelle excellente pièce! Ben, qui faisait un excellent retour d'Accept avec Mark Tornillo au vocal. Qui font un excellent retour d'accept, en fin de compte. Oui, oui, Ecstatic Quick qui a pris vraiment bien sa place au sein du band. Qui garde un petit côté à la Udo, qui a fait des bonnes années d'accept. C'est qui fait un bon lien, là. C'est ça. Ouais. Et on a eu trois pièces du nouvel album Curse and Chapter de Hell, qui est, ma foi, délectable. Oui. J'ai entendu les pièces Dark Angel, The Disposer Supreme et The Age of Nefarious. Formation qui vient d'Angleterre, de la ville de Rien-Jambon. De Rien-Jambon, c'est oui, ça. Nottingham, c'est ça que ça veut dire? C'est là. Oh, c'est parce qu'il y a deux T, ça doit pas vouloir dire ça. Non, ça se peut bien. C'est Rien-Jambon. Et puis, c'est drôle parce que je parlais avec Sinistros, ce qui m'arrive rarement, mais bon, c'est arrivé cette fois-là. Et je regardais sur... Le play. C'est ça, je dis du vent, je vais peut-être pouvoir la vendre là. Puis je regardais sur la playlist du dernier album Curse and Chapter. Je voyais Raise Against Time Cover. Et puis Sinistros me dit oui, il y avait aussi ça sur le premier album. Et finalement, ben, c'était le premier nom de Hell avec c'est le premier ça, chanteur plein, qui est décédé. Donc, qui a décidé de décéder. Ben, je sais pas s'il a décidé quelque chose là-dedans, là, mais qui n'est plus, soit dit en passant. Et donc, c'est la raison pour laquelle que l'album. Hell, ben, Human Remains a sorti juste en 2010. Ouais. C'est cela. Parce que je pense qu'il y avait déjà un contrat d'album qui était signé, à l'époque, était prêt, oui, c'est ça. Mais que ça l'a tout avorté, le plan du band, finalement. Ben, c'était en plein ça. Fait que là, les musiciens sont allés faire d'autres bands, dont Blind Fury et d'autres choses. Et finalement, en 2009 ou 2010, ils ont décidé de revenir ensemble pour réenregistrer cet album-là avec un autre chanteur. Le chanteur qu'ils ont choisi, ben, ça n'a pas fonctionné. Fait que Kev Bauer a demandé à son frère, qui est acteur sous le nom de David Beckford, mais qui joue avec son vrai nom, David Bauer, dans Hell. Vu que c'était un acteur et qu'il avait sensiblement une excellente voix, ben, ça a donné un nouveau souffle à Hell avec le côté théâtral et tout. Si vous voyez des prestances live de Hell, vous allez voir que David Bauer, il joue son rôle d'acteur très, très au sérieux. C'est tout à fait, tout à fait. Et puis, autre chose d'impressionnant au sein de la formation Hell, c'est la feuille de route d'Andy Sneap, qui est l'un des guitaristes. En tant que producteur et mixeur, il y a des bandes de très haut calibre à son actif, là. C'est incroyable la feuille de route qu'il y a. On comprend pourquoi l'album sonne si bien que ça. Ben c'est ça. Il semble avoir touché à toutes les sphères du métal. Puis il y a des formations de très haut calibre. Oui, là. Oui. Tu acceptes là-dedans Napalm Death, Cannibal Corpse. Exactement. Demo Borgir, Cradle of Filth. c'est incroyable. Même en passant par Despise Icon aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment impressionnant. Belle présentation, Sinistros, pour une fois. Oui, pour une fois, on va en profiter. 20 heures pile. Nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec mes deuxièmes choix de la soirée. Ben, deuxième bloc de la soirée, parce qu'il y a au moins quatre pièces sur ce bloc-là. Là, ça pourrait pas faire deux choix, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ben, des choix. Des fois, c'est des choix. Oui. OK. C'est ça. Ben, la semaine prochaine. Bon. Sur ce, ben, continuons. Un bloc un petit peu, je dirais... comment je pourrais trouver... Pas propre. Le meilleur... Bon, pas nécessairement. Le meilleur qualificatif serait peut-être biscornu. Biscornu? Oui. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est pas grave. Ça, c'est un mélange de biscotte et de corne. Oui, d'ailleurs, le premier groupe s'appelle Christie. Non, on va entendre du Meshuggah, du Pain, du Strapping on Land, mais tout de suite, on va commencer avec Fear Factory et la pièce God Hater que l'on retrouve sur The Industrialist. Sur ce, go! Salut, mon Danny. Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum. Bah, je pense que je suis du bout de la nouveauté, là. De la nouveauté? Viens avec moi, t'arranger ça. Oh, oh, aussi que tu m'amènes, toi, là. On s'en va à la barrique. La quoi? La barrique, avec au-dessus de 300 sortes de bières différentes puis des nouveautés qui arrivent pratiquement toutes les semaines. Tu vas voir, mon Danny, on va te les changer, les idées. En plus de ça, le monde qui travaille là sont vraiment trippants et ils connaissent ça pas à peu près. Fait que, embarque avec moi, on s'en va au 41-70, boulevard des Forges, juste à côté de la cage au sport. Dans la lignée de Sky Punka, retrouvez désormais tous les vendredis soirs les Bonnets Rouges de 22 à 23 heures. Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre, assistez au tournoi de volleyball des Patriotes au CAPS de l'UQTR. Visitez notre site web pour information, uqtr.ca/patriotes. Le volleyball des Patriotes, une tradition d'excellence. C'est fou. 89.1. Et oui, vous le devinez, vous êtes à réanimation des Haunted Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM en compagnie de lui et de moi. Nous deux, finalement. C'est cela, c'est cela. Avant cette pause publicitaire, on a entendu l'information suivante, soit Meshuga et la pièce New Millennium Silent Christ que l'on retrouve sur Chaosphere, qui est paru en 1998 sur Nuclear Blast. La chanson disco qu'on a entendue auparavant, c'était Pain. Not in the ass. J'espère que non. Et la pièce Suicide Machine, qu'on retrouve sur l'album Rebirth, qui est paru en 1999 sur Stockholm Record. Nous avions Strapping Your Lad et l'excellente pièce Detox, qui apparaît sur l'album City, et qui apparaît aussi sur la compilation de Chaos Years de 1994-2006. C'était par an 97 sur Century Media. Nous avons ouvert avec Fear Factory et la pièce God Heater, la forte tendance industrielle que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation américaine, The Industrialists, paru en 2012 sur Candlelight. Petite chronique cinéma qui est, je dirais, moyenne cette semaine, voire à mauvaise, malheureusement. Ben, ça peut pas être bon à tous les fois. Hein. Non, mais il me semble que ces dernières semaines, il y a plus de mauvaises choses que de bons. Oui, absolument. Mais j'en écoute quand même beaucoup, hein. Puis je vais être franc avec toi, là. Avec les auditeurs, je suis loin de toutes les chroniquer, là. Parce qu'il y en a qui valent encore bien moins la peine que j'en parle. Tu te tortures? Non, je suis très curieux. Okay. Je suis très curieux, j'explore beaucoup le cinéma. Il y en a sur lesquels je donne des zéros. Parce que ça me fait plaisir de le dire live, de le chroniquer par écrit. Il y en a qui pourraient mériter moins de 10. Oui, c'est ça, mais je me dis rendu là, ça vaut même pas la peine de perdre du temps. Il y a un film qui piquait ma curiosité, qui est un film de Harold Swart et qui porte le nom de The Mortal Instruments City of Bones, qui est un film qui donne dans le, non pas dans le merveilleux, mais bien dans le fantastique, parce que c'est loin d'être merveilleux. Ça met en vedette des gens que je ne connaissais pas du tout. Je lisais le résumé, j'avais été voir quelques previews, je m'étais dit, wow, ça a l'air, c'est une histoire de chasseur de démons, tu sais, ça va l'air quand même cool. Jusqu'à ce que, à peu près, je dirais, à peu près à la moitié du film, on tombe dans une tangente Twilight, là, de petites amourettes d'adolescents. Ça doit être le fun. Ah, ben, c'était vraiment pas cool. Écoute, je l'ai pas bâché à 100% le film parce que quand même, une ambiance qui est assez correcte, là, dans les bons moments du film, c'est assez correct, les effets spéciaux sont bons, c'est une histoire assez dark, mais ça mérite vraiment pas plus qu'un 5.5 sur 10 pour les bonnes sections du film, parce que quand on tombe dans l'eau de rose. L'eau de rose à la Twilight, là, ça c'est vraiment à flusher, là. Mais à flusher. Lui, je vais le garder. Non, je vais en parler tout de suite. J'ai vu enfin The Lone Ranger. Un film qui j'ai oublié de. C'est pas l'horreur, vampire, pantoute, c'est action. Je sais pas quoi, aventure. Je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié de changer la catégorie de film. Peu importe, je voulais corriger. C'est un film d'aventure, d'action à quelque part, qui est un film directement tiré du personnage légendaire de Lone Ranger qui a fait ses belles années il y a une cinquantaine d'années, qui est un cowboy, si on veut, qui est accompagné de son, ce qui deviendra, à la fin du film, son fidèle et loyal... Rin-Tintin. C'est un peu avant Rin-Tintin. Je dirais partner Tonto, qui est un Indien, qui est joué par Johnny Depp. J'avais quand même certaines attentes pour The Lone Ranger, puis à bout de ligne, j'ai pas été capable de donner plus qu'un 7 sur 10, parce que c'est un film qui est correct, mais c'est loin d'être un bon film. J'ai trouvé que ça traînait un peu, que c'était un petit peu maladroit, mais Johnny Depp est vraiment hot dans ça, par contre, parce qu'il est très drôle aussi. C'est bien fait, par contre, c'est très bien fait. Si t'as vu les films du Pirate des Caraïbes. Oui. Bon, c'est Gore Verbinski, okay. Celui qui les a fait. C'est une production Walt Disney. Écoute, mets les Pirates des Caraïbes dans un espèce de contexte Far West, c'est à peu près ça, tu sais. C'est bien, mais ça donnerait pas le goût de le revoir. Moi, Amy Hammer, qui joue le rôle du Lone Ranger, j'ai trouvé que c'était... ordinaire. Ouais. J'ai pas vraiment embarqué sur le personnage. Un film, écoute, moi je suis un grand fan de la maison de production Hammer, qui a débuté dans les années 40 et qui a vu ses belles années principalement, je dirais de 55 à 70 à peu près, quand il s'était spécialisé dans le film d'horreur, dans le film fantastique. C'est toujours la même compagnie, c'est parce que ça l'a arrêté ou... Écoute, tu iras lire ma chronique sur le site de réanimation au film The Resident, mais je vais revenir au film, j'en fais une petite historique. OK. En 94, c'était vraiment le coup de grâce pour la maison de production Hammer parce qu'ils ont essayé plein de trucs. Ils s'étaient pas adaptés aux films des années 70 et 80 qui étaient beaucoup plus comment je pourrais dire contemporains. Les autres, ils travaillaient encore beaucoup dans le gothique. Et puis ils ont essayé différents trucs, quand même en s'attaquant à la télévision, ça a pas marché. Donc en 94, c'était fini. C'était fini. En 2007, il y a un Hollandais du nom de, je l'ai marqué ici quelque part, là, je le trouve pas, là. En tout cas, bon, on s'en fout. Il a racheté l'entier du catalogue. Puis pour lui, c'était pas suffisant, il voulait faire revivre la maison de production Hammer. Donc, il a annoncé en 2007 qu'il y aurait des nouvelles productions Hammer qui se feraient encore dans le même esprit d'horreur fantastique. Mmh. En date d'aujourd'hui, ils en ont, je pense que c'est 5 de fait, et il y en a 2 qui sont more to come, si on veut, là, qui sont à venir. Et je dirais que là-dedans, il y a eu Woman in Black. Le film avec Daniel Radcliffe. OK. Qui est un excellent film. C'est très bon. C'est un très, très bon film. Il y a eu aussi Wakewood, qui était excellent aussi. Donc, c'est un peu inégal, mais je pense qu'ils sont en train de trouver une nouvelle formule pour cette nouvelle version de Hammer, dont le film... qui est paru en 2011, que j'ai découvert que récemment, qui met en vedette Hilary Swank, porte le nom de The Resident, ou si vous voulez, La Locataire en français. C'est un film que je ne connaissais pas, Antti Jokinen, qui est un nouveau des producteurs de la Hammer. C'est un trailer, ça se passe à l'intérieur d'une espèce des appartements, je dirais, prisés à New York, dont le propriétaire est un méchant cinglé, là, et qui s'est complètement amouraché de sa locataire qui joue par Hilary Swank, mais vraiment tordu, là, là, vraiment hyper tordu, là. C'est bien, c'est correct, mais c'est long avant que ça démarre. Puis parce que c'est long avant que ça démarre, ça risque de nous faire décrocher. Donc, moi, j'ai dit que ça valait pas plus qu'un 7 sur 10. Mais Christopher Lee joue dedans aussi. Oh, c'est bien. Qui est une des vedettes de Hammer, mais il y a un rôle secondaire. Autre film, je pense que j'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais retenu pour cette semaine, mais le film, que lui, c'est vraiment quelque chose de très bon, que je vous conseille au niveau de découvrir ou à revoir. C'est un film de... Est-ce que tu connais le producteur italien Mario Bava? Oui. Bon, c'est un de ses films, c'est un de ses gros canons. C'est Black Sunday, Le Masque du Démon, ou si tu veux, El Mascara del Demonio. C'est un excellent film de 1960 qui met en vedette Barbara Steele. C'est un film noir et blanc. Je l'ai justement écouté hier soir. Ça me dit de quoi, ce film? C'est excellent. C'est un film vraiment de sorcellerie, de démonologie, qui se passe je dirais, à la fin du Moyen Âge. Et c'est admirablement bien joué. Et je te dirais honnêtement, ce qui est vraiment intéressant, ça vaudrait la peine que tu le redécouvres, ce film-là, parce que c'est un film noir et blanc, mais qui a absolument besoin d'aucune couleur. La couleur serait superflue dans ce film-là. Les prises de vue, les scènes, les images sont absolument merveilleuses. Et je pense que c'est un des grands classiques de l'horreur des années 60. Et encore aujourd'hui, ça s'écoute encore très, très bien. Moi, je dis que ça mérite un 9 sur 10. Et Barbara Steele est très bonne là-dedans. C'est une actrice italienne qui avait pris un nom américain pour faire meilleure carrière. Puis c'est vraiment... c'est pas gentil comme film. Fait que je vous le conseille allègrement et sans aucune retenue, Black Sunday ou Le Masque du Démon, parce qu'on peut retrouver la version francophone assez facilement aussi. Ceci étant dit, musicalement... Et pour faire suivre ton bloc un petit peu biscornu... Oui, ben c'était le bon terme finalement. C'était le bon terme. Ouais. On va continuer avec des biscottes... saucées dans la sauce de corne. Bon, nous aurons The Monolith Dead Cult... groupe que j'ai découvert plus tôt cette année, qui donne dans un métal industriel... Pour enfants, teinté de sauce à la Al Jorgensen, un petit peu. On va entendre Samael, on va entendre Septic Flesh et du No Wine, formation française également très intéressante, donne dans un autre style de métal industriel... Et tu vois, j'ai comme un blanc de mémoire, cette formation-là. Je me rappelle plus du tout. C'est très bien. Ça me fait penser. C'est très bien que j'ai un blanc de mémoire. Oui, c'est très bien. Ça, j'adore ça. Okay. Ça, c'est parfait, ça. Alors, on va commencer tout de suite avec Monolith Dead Cult, avec une pièce qui s'intitule Drugs, Togs and Machettes. C'est tiré de l'album Tetragrammaton, qui est paru sur Season of Mist cette année. Go! Bien sûr. We'll be right back. Cette année encore, les soirées cachées C'est fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est fou ou synthonisez le 89.1. Les Belles et les Bêtes sont de retour, avec une équipe beaucoup plus sauvage et combien plus séduisante. Jeudi matin, dès 10h. Séduisante, ça paraît qu'on les voit pas. C'est la magie de la radio. Ouais, mais là, il reste encore 10 secondes à la pub. Ça me laisse le temps en masse de laisser mon numéro aux belles auditrices. Et que t'es prête. Vous aimez ce que vous entendez? Écoutez les Palmarès C'est fou les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les dimanches à midi et du lundi au mercredi à 17h. Vous êtes dans la zone 89. C'est fou! h 57. Ai-je besoin de vous le dire? Vous êtes c'est fou, 89.1 FM. Mm-hmm. Équipe plus en réanimation des Undead Incorporated Show. Et mon cher, qu'avons-nous entendu? Noine de la France. Et oui, c'est une demoiselle qui varlope son micro. Qui beugle. Qui beugle. Liar's Dream, tiré de l'album Infection Erasure Replacement. C'est paru en 2013, curieusement, sur Metallian Production. D'accord. Eh bien. Septic Flesh, Oceans of Grey, tiré du dernier album qui date quand même de 2011, The Great Mass. Ce serait peut-être le temps qu'il en sorte un autre. Hein? Ben, ça fait 2 ans. Ben là, c'est sûr que pour faire patienter les fans, ils font la réédition des anciens albums. Ouais, effectivement. Samael, avec la pièce Antigode, paru sur Lux Mundi, également de 2011, sur Nuclear Blast. On a commencé avec The Monolith, Dead Cult, avec Drugstocks and Machettes, paru sur Tetragrammaton, en 2013, sur Season of Mist. Voilà, ça c'est pour poser. Non, c'est très bon. Côté spectacle, BCI présente ce samedi 30 novembre au Club Soda, novembre. Ouais, c'est un nouveau mot. C'est entre novembre et décembre. Oui, c'est ça. C'est le pré-décembre. Samedi le 30 novembre prochain à 20h au Club Soda, formation Hellstorm, Trollfest et Gypsy Hawk. C'est un spectacle pour tous, au coût de 23 et 29 taxes incluses, disponible à la billetterie du Club Soda. Le vendredi 7 février à 18h au Fofones Électriques, c'est Hoggery, Honeyman, Terra Mobile et Contemplator. Ouais, ça doit être ça. C'est au coût de 15 et 20 taxes incluses via admission. Et le samedi 15 février à 20h au Metropolis, c'est Children of Bottom, Death Angel et Tear. C'est pour tous, au coût de 34 et 78 et 39 et 13 plus taxes via Ticketmaster. Tu connais-tu d'autres spectacles? Non. T'en connais pas d'autres? Non. Aucun autre avis, là, c'est fini? Ben, j'en connais peut-être dans le futur ou dans le passé, là, dans le présent, ouais. J'en connais pas. OK, c'est correct. T'en connais dans le futur? Oui. Ben, je vous le dis pas, c'est une surprise. Oui, les surprises de Sinistros, on les connaît. Que veux-tu insinuer par là? Ben, j'insinue rien, j'affirme, okay, voyons. Quand est-ce que tu m'as vu insinuer de quoi vis-à-vis de toi? Non, OK. T'sais? Je pense que je suis beaucoup plus transparent que ça. Oui, ça paraît. Je vois même le lecteur de CD derrière toi. C'est ridicule. Comme celui qui l'a dit. Et probablement comme celui qui le commente aussi. J'ai eu une demande spéciale de notre ami Tower de Hellborg, qui est une demande aussi qui semble être conjointe par un des membres fondateurs de la formation Foreshadow. formation qui met en vedette aussi Pat Loisel de Augury. Augury, plutôt, qui se commetteront aux Foufounes électriques ce vendredi, soit le 29, en compagnie de Ghoulonatics. Donc, j'avais une demande à savoir, est-ce que vous pourriez faire jouer une pièce de Four Shadows? Non. Non. À la place, je l'ai dit tout à l'heure, on va y aller du Judas Priest. C'est ça. Mais bien sûr qu'on va le faire. Donc, de ce pas, nous allons écouter une pièce tirée de l'album Do We Disturb de 1996, soit la pièce One Voice. Et nous poursuivrons cette pièce de Four Shadows avec la pièce que je voulais présenter de Witchburner la semaine dernière, soit tirée de l'album Bloodthirsty Eyes, qui vient de paraître à l'instant. Là, ça fait 30 secondes qu'on devait paraître. On parle, puis le temps passe. Ben oui, c'est ça. Et la pièce Possession, donc Four Shadows et Witchburner. Go! Yes, Possession. C'est ça le médecin, moi aussi. Possession, tiré de l'album Bloodthirsty Highs, qui est paru il y a très peu de temps sur High Roller. Je pense que c'est ça, High Roller. Ouais, je vais vérifier. Là. C'est pas très signé très fort, ce band-là. oui, High Roller Records, voilà. Moi, je connais juste deux albums. Là. Je connais le c'est le deuxième album que je connais de Witchburner, une formation qui vient d'Allemagne, qui donne dans un trash très, je dirais... Old school. Old school, très... minimaliste. Mais le premier album, Demon, je le trouvais vraiment bon. Je trouvais que c'était très intéressant. Donc, je me suis empressé de me procurer le nouveau Witchburner quand j'ai su qu'il était sorti. Puis, ben, ils ont changé de chanteur. Puis ça m'agace un petit peu. C'est pas mauvais. Ça rentre avec le style musical, mais je préférais le timbre de voix du précédent. Mais bon, c'est encore là, c'est subjectif, c'est j'imagine. C'est ça que je m'en allais dire. Tu m'enlèves le pain de la bouche. Il y a une chose que j'essaie jamais avec toi, c'est de tirer les verres du nez parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Ça sort pas, c'est comme un malustin qui sait des. Oui, des c'est des ça. Ça arrête plus. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était des boyaux que je sortais. Tu vois, ça oups, c'est une couleuvre, oups, c'est un intestin, on va arrêter. Juste auparavant, nous avions la formation québécoise Foreshadow et la pièce One Voice qu'on retrouve sur l'album de We Disturb qui est paru en 96. Album indépendant, si je ne m'abuse, et je vais le vérifier à l'instant. Oui, effectivement, c'est un self-release qui mettait, entre autres, dans son alignement, Pat Loisel qu'on retrouve maintenant dans la formation Augury. Patrick Knoop. je crois bien le prononcer, Pierre Pitre et Curtis Clifford. C'est une formation, selon les informations que j'ai présentement, le Metal Archives, qui a débuté en 90, mais il n'y a pas d'année de split-up dessus. Mais s'ils font encore des spectacles, c'est peut-être parce qu'ils gardent minimalement... Ça serait un retour, là. Ça serait une forme de retour, mais peut-être qu'il y a eu d'autres spectacles avant, je sais pas. Bon. Bref, ils seront aux Faux-Fonds électriques ce vendredi 29 novembre en compagnie de Golonatics. Bon, ceci étant dit, toi, tu vas nous proposer quoi comme épouvantablerie, là? Les épouvantableries que je mets d'habitude, là. Ouais, pas encore ça. Ouais, ça va être un bloc qui bûche un petit peu plus, là. Ah ouais? Ouais. Comme? Céline Dion, Marie May. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Oui, c'est des épouvantableries, comme je disais. Ah, Marie-Denise Pelletier. Ça fait longtemps. Tout ce qu'elle avait d'épouvantable, c'est ses cheveux. Oui. non, c'est vrai. L'ensemble de sa carrière, j'imagine. Aussi. Violent Fire, de l'Angleterre, avec une pièce qui s'intitule Seeds. C'est paru d'un album qui s'appelle Fragile King. C'est paru en 2011 sur Century Media. Ouais, c'est un bon album, ça. Très bon album. Ouais. Ça sera suivi d'Apostasy SCNO. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ici. Asphyx, qu'on jasait la semaine passée. Fait que j'ai pensé à toi. C'est pas le même chanteur que Hail of Ballads. Ben oui, comme c'est par ça. Hasard. Ben oui. Et Coffin Text, qui joue dans le même registre de le même registre Simard. Oui, c'est ça, registre Simard, qui tripe sur les Égyptiens, finalement. Ah oui, je savais pas. Ouais, c'est ça. Je pensais qu'il y avait mes petits poudings, moi, mais... Ben, les poudings égyptiens. Ah, ben oui, voilà. Ah oui, c'est ça. Osiris, Socor. C'est Osiris, Socor, c'est bon, ça. C'est bon. Violent Fire, go. Go!

avec vous. Ce matin, nous allons voir l'allégorie de la caverne selon Platon. C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Lundi, le 2 décembre, venez voir les oranges et les rouges s'affronter dans un grand duel de blagues et d'émotions fortes. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. C'est fou! 89.1 Quién es? Bon, il est revenu à son état naturel. Son état naturel, embryonnaire. Coffin Text, Final Transformation, c'est sorti sur l'album The Tomb of Infinite The Ritual, qui est paru en 2012 sur Dark Descent Records. Asphyx, avec Of Days When Blades Turn Blunt, paru sur l'album Death Hammer en 2012 sur Century Media. J'aime beaucoup le vocal. C'est ben oui, lui. Si t'aimes Hell of Bullets, Asphyx, puis Grand Supreme Blood Court, ça va être dans tes cordes. Mm-hmm. SSCNO, qui laisse transparaître un album qui fait longtemps qu'il devrait en sortir un autre. Ouais, c'est un side project. Hein? Ouais, c'est ça. Avec Tony Campos et Dino Cazares. Avec une pièce s'intitule Ritualès Salvaes, c'est paru sur l'album Christo Satanico en 2006 sur Coolaro Records. Apostasie, avec la pièce Parasite Swarm, paru sur l'album Nuclear Messiah, c'est paru en 2011 sur Rambo Music. Et Violent Fire, et la pièce Seeds de l'album A Fragile King, paru en 2011 sur Century Media. C'est bien cela. On vous rappelle que ce samedi 30 novembre au Club Soda, c'est les formations Hellstorm, Trollfest et Gypsy Hawk qui se produiront dès 20h. C'est un spectacle pour tous au coût de $23 et $29 taxes incluses. C'est disponible à la billetterie du Club Soda. Et c'est au Club Soda, hein? Bon. Et que le vendredi 7 février, au Fonds électriques, c'est Hungary, On Human, Terra Mobile et Contemplator de 18h au coût de $15 et $20 taxes incluses via admission. Children of Bottom, Death Angel et Tear seront le samedi 15 février prochain au Metropolis de 20h. C'est pour tous au coût de $34, 78, 39 et 13 plus taxes via Ticketmaster. J'ai une petite annonce à vous faire concernant réanimation et ce, au retour des fêtes. Parce que comme je l'ai dit en présentation, en ouverture d'émission, maintenant, il en reste plus quatre, hein. Il en reste 3 et 7/8 des émissions, ou 3 et 1/8 plutôt. Il restera trois épisodes. Trois épisodes d'une heure chacun. Il reste 3 éditions de réanimation avant le congé des fêtes. Mais au retour des fêtes, et je peux même vous dire à peu près dans l'heure d'idée de quelle date ça va se faire, ça devrait être autour du 7 janvier 2014. Et pour vous situer, savoir quand nous c'est arrêtons... C'est un mardi. Oui, arrête donc, toi. C'est comme le temps des fêtes, le Noël, c'est encore dans le temps des fêtes, oui. Cette année. Et la dernière émission de réanimation, en décembre 2013, sera le 17, mardi le 17. Au retour, le 7 janvier, je me rappelle plus ce que j'ai dit, là. Le 7. Une chance que t'es là pour certains points. Ben, des bouts, c'est pas pire. La strap à vivre. Vas-y, pas si fort que ça, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est utile. OK, c'est utile. Ouais. Réanimation va revenir à une case horaire de 2h, c'est-à-dire de 19h à 21h. Donc, nous ne ferons plus 3h. C'est pour diverses raisons. Qui serait beaucoup trop long à énumérer, puis qui serait probablement beaucoup trop plate à vous faire écouter. Donc, puis que c'est pas de vos affaires, finalement. Oui, mais c'est ça. Donc, réanimation, la version 2014, c'est de 19h à 21h. En fait, il y a une raison principale à ça. C'est une raison importante, c'est que à partir du retour des fêtes, je vais faire Rock Classic à tous les vendredis. Ça fait énormément de programmation musicale à faire, ça fait énormément de temps à trouver pour le faire, mais il y a aussi le fait que on va faire un test Sinistros et moi, à savoir pendant au moins une bonne session complète, à savoir si l'horaire nous convient bien de raccourcir, parce que il y a certains problèmes ici à l'interne au niveau de l'eau, du bruit. C'est le soir, c'est ça. C'est vraiment. C'est bruyant. C'est très, très bruyant. Ça devrait être très dur à travailler, on doit le dire. Honnêtement, c'est une des raisons principales. On va vous situer le local de la radio est directement situé à côté d'un bar. Ouais. Puis c'est à l'intérieur du pavillon Néré-Beauchemin à l'Université de Trois-Rivières. Donc, c'est là que se passent toutes les activités étudiantes et tout. Fait que quand il y a un party, nous autres, on est dedans. Oui, c'est ça. Involontairement, on est dedans. Donc, ça devient très difficile parce que c'est la soirée la plus grosse le mardi pour ces activités-là, semble-t-il. Donc, on va faire un test. En tout cas, on va voir comment ça va se comporter. Peut-être que vous allez pleurer, peut-être que vous allez nous demander à genoux qu'on revienne, ouais. C'est ça. Mais d'ici là, on a peut-être le temps d'arrêter de faire l'émission tout court. Fait que... Bref, ça va être ça. Ça va être de 19h à 21h après le retour du congé des fêtes. Pour l'instant, nous allons continuer musicalement avec... c'est à moi qui incombe de classe. Eh bien, oui! Regardons ça arrive pas souvent, ça. Fait que je vais en profiter. Fait que vous allez finir avec des bonnes chansons. Oui, pour une fois. On va continuer un peu dans la même veine que Sinistros nous a apporté dans son dernier bloc. On va y aller avec cette fois-ci de quoi de tout complètement et typiquement death metal. On va entendre les informations Incantation, Nomad et à l'instant Immolation avec une excellente pièce, la pièce titre de l'album Majesty and Decay qui s'appelle... Oh, je sais pas. Moi non plus, j'ai un blanc de mémoire. Majesty and Decay, yo! We'll be right back. You're Incantation et la pièce Babylon que l'on retrouve sur l'album de 2006, Primordial Domination, apparu sur l'étiquette Listenable Records. Juste auparavant, Nomad et la pièce Demon's Breath que l'on retrouve sur Transmigration of Consciousness qui paraît en 2011. C'est super bon, ça. Ouais, c'est vraiment hot, ça. Paru sur Witching Hour Production, nous avions ouvert avec Immolation in Majesty and Decay, apparaissant sur le même album, du même nom, paru en 2010, son Nuclear Blast. Il nous reste à peine le temps de se quitter sur une dernière pièce. La semaine prochaine, nous y serons. Je n'ai pas rien de particulier de prévu pour la semaine prochaine en ce qui me concerne. Je pense pas, moi non plus. Je vais vérifier dans mes trucs, là, mais il n'y a pas eu tellement de sorties ces dernières semaines. Une bonne vieille édition de réanimation, pas trop dérangeante. Ben oui. Très dérangeante, mais... Ouais, ben, je dis pas trop. Okay. Ça va dire qu'elle l'est pas du tout. OK. C'est bon. On se quitte une dernière pièce de Legion of the Damned, House of Possession. À la semaine prochaine. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. Go.